Chapitre 2e, le nid. The Vigilant, depuis le début de la guerre, était affecté à la surveillance des côtes. Cela avait été d'abord sans grand risque, les sous-marins allemands n'ayant pas encore poussé la piraterie à ce point de férocité qui, depuis lors, a soulevé contre eux les protestations indignées de toutes les nations civilisées. Le bâtiment était surtout chargé de signaler les zeppelins dont les raids se renouvelaient de plus en plus audacieux et fréquents. The Vigilant fendait les eaux avec rapidité. On eût dit que le navire avait conscience de sa mission, qu'il comprenait la gravité de son rôle, et le ronflement des machines semblait le refrain d'un chant par lequel il promettait de s'acquitter de sa tâche avec honneur. Debout dans sa cabine, le capitaine Mangles tenait à la main le pli qui lui était enjoint de n'ouvrir qu'à 1 mille de la côte. Sa pensée, malgré lui, se reportait vers les êtres chers qu'il venait de quitter. Combien de temps allait-il s'écouler maintenant avant qu'il lui fût permis de les revoir? Où allait-on lui donner l'ordre de se rendre? Quelle mission, importante sûrement pour qu'elle fût enveloppée de tant de mystères, allait-on le charger de remplir? Encore quelques instants, il le saurait. Bien qu'il fût courageux et qu'il ne reculât devant aucun péril, le brave marin sentait cependant une émotion l'étreindre à mesure que le moment approchait. « Allons, John, » grommela-t-il, « vous oubliez que vous êtes marin avant tout. Heureusement que personne ne s'est aperçu de votre émotion. Nous vous pardonnons pour cette fois, mais plus de faiblesse, plus de rêverie. Songez que vous devez à la patrie. » La porte de la cabine s'ouvrit. « Captain, » annonça le lieutenant de bord, « nous venons de dépasser le mille. Bien. Donnez l'ordre de ralentir jusqu'à ce que je remonte. » Le lieutenant inclina la tête et disparut. D'une main ferme, le capitaine Mangles fit sauter les 5 cachets et il lut. La dernière discussion qui vient d'avoir lieu au Parlement a démontré, et Sir Bonarlo en a porté la preuve à la tribune, que les Allemands ont établi des centres d'espionnage en divers points de la côte orientale. Un de ces points paraît situé entre Wells et Boston. On a remarqué en effet que des signes ennemis partent presque chaque soir de la haute mer à l'adresse du poste de la côte anglaise. Il y a extrême urgence à ce que l'endroit soit repéré cette nuit. 6 juin, un code de signaux allemand et des questions à poser si besoin est. « Les bandits !» s'exclama l'officier avec un geste de mépris. « Ah, si je pouvais surprendre un des leurs dans sa tanière !» Il examina longuement le code et les questions, puis, serrant précieusement ses documents dans sa poche, il remonta sur le pont. « Lieutenant, Captain, il y a un centre d'espionnage Bosch sur la côte. Nous allons, avec l'aide du code de signaux que je possède, entrer en conversation avec les espions. Il faut que, cette nuit même, nous ayons repéré l'endroit d'où partent les signaux. Surveillez la marche du bateau et envoyez-moi tout de suite le premier canonnier Lewis et Warthorn. Bien, Captain. » 5 secondes plus tard, le premier canonnier et le second du bâtiment arrivaient. « Vous allez faire partir, » ordonna-t-il, successivement et à intervalles de 10 secondes chaque fois, une fusée verte, puis une rouge, une bleue et une jaune. Je vous donnerai les ordres suivants au fur et à mesure et selon les besoins. Vous, Warthorn, prenez ce code, et d'après ce que je vous transmettrai, vous me traduirez l'explication. » Les commandements furent exécutés avec promptitude. Lorsque la fusée jaune se fut éteinte dans le ciel, un tout petit point rouge sembla luire et s'éteindre presque aussitôt sur la falaise. « Faites partir les fusées inversement, » commanda le capitaine. « Une jaune ? Bien. La bleue ? La rouge ? La verte ? Halte !» Un petit point rouge là-bas venait de réapparaître. Il s'éteignit à nouveau presque aussitôt, mais à sa place pointait une lueur jaune qui s'éteignit elle aussi pour être remplacée par une lumière blanche. Les renseignements de la dépêche donnée par notre service de contre-espionnage sont parfaitement exacts, déclara Sir Mangles. Le poste d'observation est situé sur la côte même de Boston. Parbleu. Cela n'a rien qui puisse nous étonner. Nos ennemis ont intérêt à savoir ce qui se passe dans les comtés de Nottingham, York et Lincoln. Je présume que notre signal va nous amener quelques communications intéressantes. Écoutez donc, Captain, le timbre du TSF annonce un message. « Allons vite !» Le capitaine et son second se rendirent en hâte dans la cabine. Le téléphoniste du bord était à son poste et recevait une dépêche. Warthorn la traduisit immédiatement. « Le Z peut arriver sans crainte, surveillance ralentie. David Gallant a quitté port de Boston et doit être au large à 7 heures. « Oui, mon gaillard, » dit tout haut en riant le capitaine, en s'adressant dans le vague à son interlocuteur inconnu. « Oui, mon gaillard, David Gallant est au large, et je te remercie de me faire savoir que tu me connais. Si je ne te connais pas encore, il est probable que la soirée ne se passera pas sans que j'aie le plaisir de savoir qui tu es. » Il remonta sur le pont et braqua sa jumelle dans la direction où il avait vu quelques instants auparavant poindre la lumière blanche. Le point blanc était devenu jaune. « C'est un rappel, » fit remarquer le lieutenant. « On se méfie probablement. » « Fusée bleue suivie d'une fusée rouge, » ordonna Sir Montglas. Comme par enchantement, la lumière devint verte et se mit à tourner. « On a, » expliqua le lieutenant en consultant le code des signaux, « on a des renseignements à passer, mais on ne veut pas les donner tout de suite. « Je vous le dis, mon commandant, on se méfie. Nos signaux sont compréhensibles, mais sans doute ne sont-ils pas aussi précis qu'on le voudrait. « Peut-être, » acquiesça le capitaine, qui ne cessait de regarder avec sa lunette de nuit l'énigmatique point lumineux qui perçait là-bas sur la falaise à travers les brumes du soir. « Faites donc répéter le signal, lieutenant. » Le point blanc reparut, redevint jaune, puis vert, et de nouveau tourna. À 3 secondes d'intervalle, le même manège se renouvela. « On nous rappellera dans 1 heure, Captain, » traduisit aussitôt Worthon. « Eh, mais c'est parfait. Worthon, vous allez prendre le commandement du bateau. Vous allez me conduire le plus près possible du rivage, tout feu éteint. Je vais pouvoir mettre mon projet à exécution. Vous voulez vous rendre à la côte ? Oui. Je meurs d'envie de faire connaissance avec le misérable, qui a des renseignements à nous confier et qui estime que le Z peut arriver parce que la surveillance est ralentie. « Je vais lui prouver qu'il en a menti. Faites préparer le canot automobile. Combien d'hommes avec vous, Captain ? Le mécanicien et 4 hommes suffiront. Vous croiserez dans ces parages. Si je ne suis pas rentré au moment voulu, vous reprendrez les signaux. Vous ne craignez pas Worthon ? Interrompit le Captain. Douteriez-vous de moi, mon ami ? N'ayez aucune crainte. Je saurai défendre ma peau, si c'est utile. Quant à la côte, je la connais comme ma poche. En route ! Ne perdons pas notre temps en vaines paroles. » Une seconde après, David Gallant se rapprochait de la côte et mettait le cap sur Boston. « Comme c'est étrange, » murmura soudain le capitaine Montglas en montant dans le canot automobile. « On dirait, mais c'est impossible. » L'embarcation filait comme une flèche. On n'était plus qu'à 10 minutes du rivage quand soudain la lumière rouge reparut. « 1000 sabords !» balbutia l'officier en proie à une angoisse terrible. « Captain !» dit un matelot. « Du point où je suis, on distingue parfaitement la maison. » L'officier passa à la place que lui indiqua l'homme, saisit sa jumelle et regarda. Alors, tout son sang se figea dans ses veines, une sueur froide inonda son front, les signaux partaient de sa propre maison. Maintenant, il gravit la côte. Il refait en sens inverse le chemin qu'il a pris pour partir 3 heures plus tôt. Il est seul. Il a commandé à ses marins de se tenir prêts à courir au premier coup de sifflet. Mais avant d'user de violence, il veut se rendre compte par lui-même. Il sent qu'il va se passer des choses qui ne doivent avoir aucun témoin. Le voici devant la grille de la maison. Aucune lumière ne filtre à travers les persiennes. Dans la chambre de sa femme, dans celle des enfants, pas une lueur. Le calme règne. Il attend un instant. Doucement, il glisse la clé dans la serrure de la porte et pousse la grille. Un des côtés s'ouvre en grinçant un peu. Comme un malfaiteur qui craint d'être surpris dans une expédition nocturne, le capitaine tressaille à ce bruit. Va-t-on demander « qui va là ?» Rien ne bouge. Il s'enhardit et saute sur le gazon de la pelouse afin que l'on n'entende point le sable des allées crier sous ses pas. Il marche, courbé, ployé en deux, presque rampant. Au moment de monter le perron, il s'arrête net. Là-haut, sur le toit d'une lucarne, dans le grenier au-dessus du belvédère, où jamais personne n'est monté, les taches lumineuses, sans doute des verres de couleur, qu'on fait passer alternativement devant une lampe, continuent à se succéder. « Dans ma maison !» gronde tout bas l'officier, « à côté de mon cabinet de travail, au-dessus de la chambre de ma femme !» Un flot de sang lui monte au cerveau et sa main tourmente la crosse de son revolver. La porte d'entrée de la maison n'est fermée qu'au peine. « Voilà une négligence que j'aurais blâmée en temps ordinaire, mais qui me rend service aujourd'hui. » le hasard me favorise, mais que vais-je apprendre, grand Dieu ? » Il reprend haleine. Le voici dans l'escalier. Le tapis, heureusement, assourdit le bruit de ses pas. Il pose lentement ses pieds l'un à côté de l'autre, comme les enfants pour lesquels les marches sont trop hautes, et à chaque fois, il hésite de peur de faire craquer le parquet. Au palier du premier étage, il s'arrête de nouveau une seconde. S'il prévenait Edith, mais il rejette cette idée. Agissons seul, cela vaut mieux. Et la phrase que prononçait sa femme au cours du dîner lui revient à la mémoire. Le marin comme le soldat ne s'appartient pas. L'un et l'autre doivent toujours être prêts à accomplir leurs devoirs, si pénibles soient-ils. Ce souvenir lui redonne du courage. Il relève énergiquement la tête et gravit le second étage. Le voici sur le toit. La porte de la tour est fermée, mais il a la clé et l'ouvre sans difficulté. Dans son cabinet de travail, il constate à la lueur de sa lampe de poche que rien n'est dérangé. Il écoute et n'entend aucun bruit. « Me serais-je trompé ? » pense-t-il. « Mais non !» Sous la porte du grenier, un filet de lumière marque le seuil d'un trait rouge. Il veut ouvrir, il ne peut. La serrure est fermée à l'intérieur. Alors, rapide comme la foudre, d'un coup d'épaule terrible, il enfonce la frêle cloison. Un cri. Une lumière s'est éteinte. Le capitaine Monglas, au milieu de l'ouverture, afin de barrer la fuite s'il en prenait envie à l'être malfaisant qui a choisi le nid pour son repère, a saisi la lampe électrique d'une main et de l'autre braque son revolver. « Halte ou je tire !» rugit-il. Quelqu'un essaie cependant de passer quand même en le bousculant. Sa main empoigne des étoffes de laine. Il préfère lâcher son arme. Une courte lutte a lieu. Il finit par terrasser l'adversaire. Il dirige les faisceaux de sa lampe électrique vers son prisonnier. Un cri jaillit de ses lèvres. « Miss Gretchen !»